3-5. Voilà une santé. 2-1. Voilà une santé. Un son qui claque, faut qu'il soit dans ton tel. Tu es dans ton tel, Smirnoff, folle et hôtel. Y'a jam, qu'on n'est pas des mecs mortels. Plus le temps de parler, on cherche où se caler. Arrête de jacter, tu m'as scanné. J'en ai trop vu cette année. Plan gadji, sans permis, ça la taffe dans la cage d'escalier. J'ai parti à la gratte parce que dans tes poches y'a pas de sous. Enfin tu braques, faut partir, demande à Hus ou à Stine. Pour des gants tapine, les schmites qui eux, le shit qui eux. Regarde c'est qui eux, la TN est grillée. La vie c'est pas un film, pourtant ils se croient dans hit. Nick les flics, ils font les macs quand tu me fouilles. Nick les filles, ils font les putes quand ils saoulent. J'perds mon tasse, quoi, quel quartier, j'ai trop de problèmes. J'sais pas comment encore faire confiance à mes collègues. On traîne, on rap, on reste toujours anti-système. Ne trahis pas si on t'aime, si les flics te disent on t'aime. J'perds mon tasse, quoi, quel quartier, j'ai trop de problèmes. J'sais pas comment encore faire confiance à mes collègues. On traîne, on rap, on reste toujours anti-système. Ne trahis pas si on t'aime, si les flics te disent on t'aime. J'ai dit que ça part en tum-tum, que ça fait des casse-casse. Fais vite ma couille, faut qu'on se casse. Fils de pute, maintenant tu sais. Si j'ai fait des sons love, c'était pour le succès. Et combien y'en a qui dans le bloc on glisse. Et combien y'en a qui devant le bloc on suce. Traumatisé, fou à cause de la CC. C'est chaud pour des regards, y'a des décès, ça rôde toute la journée. Pour des billets, t'as la tête qui fait que tourner. Devant les flics, je fais le sourmoi. Si s'attrape à mon pote, j'ai juré que j'prends tout sur moi. C'est pour les petits qui me disent, Jules, on kiffe ça. Tu fais pas du rap comme CMC tout bizarre. C'est un 3-5, te demande plus c'est qui ça. Tu veux me la faire à l'envers, mais tu es mon fils. Mon tasse, quoi, quel quartier, j'ai trop de problèmes. J'sais pas comment encore faire confiance à mes collègues. On traîne, on rap, on reste toujours anti-système. Ne trahis pas si on t'aime, si les flics te disent on t'aime. J'perds mon tasse, quoi, quel quartier, j'ai trop de problèmes. J'sais pas comment encore faire confiance à mes collègues. On traîne, on rap, on reste toujours anti-système. Ne trahis pas si on t'aime, si les flics te disent on t'aime. Pour les mecs dans la rue qui font des justices. Pour ceux qui comprennent qu'on s'en fout de ce qu'ils disent. Moi je viens d'ici où tout est difficile. Ou quand ça se chauffe, on peut voir les civils. Les sous, ça pas de cheese. Ma salim sous crédit. Tu fais le mec énervé, mais tu es pas crédible. Miss, j'ai ton humé, j'ai plus de crédit. J'étais en plus vert, m'en fous de ce qu'on s'est dit. Tu sais qu'on fuck les indics, joue pas le bandit. Quand tu bandis, toi qu'est-ce t'en dis. Fais pas celle qui crie pas. Parce que moi je sais que tu l'as bien senti. Je fais pas semblant. Je rappe sans gants, je rappe les sanglants. Je sais qu'on m'attend, mais je prends mon temps. J'sais pas comment qu'on faire confiance à mes collègues. On traîne, on rap, on reste toujours anti-système. Ne trahis pas si on t'aime, si les flics te disent on t'aime. J'perds mon tasse, quoi, quel quartier, j'ai trop de problèmes. J'sais pas comment qu'on faire confiance à mes collègues. On traîne,